Merci Mathieu et à demain. Si vous pensez que la SF ronronne, qu'il n'y a plus grand-chose d'intéressant depuis Spin de Robert Charles Wilson, qui a déjà 17 ans, et oui, eh bien permettez-moi de vous dire que vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'Omoplate. L'une des révélations de ces derniers mois, l'un des recueils que j'ai dévoré le plus rapidement et le plus avidement, nous vient d'un tout jeune auteur d'à peine 30 ans et qui a déjà à son actif plus de 200 textes, majoritairement des nouvelles. Les nomades à cheval entre plusieurs pays, il produit une SF vive, saillante, politique, parfois acide, toujours surprenante. Si vous êtes fâché avec les formes courtes, je vous propose de vous réconcilier grâce à Rich Larson. Larson ne craint personne et c'est notre grand invité SF de fin de saison. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Rich Larson, hello. Hi, how are you? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de La Fabrique des Lendemains, ces deux éditions du Bélial dans la collection 42. 27 nouvelles et un poème, un recueil inédit pour la France, puisqu'il est compilé par Hélène Hersfeld et Dominique Martel, traduit par Pierre-Paul Durastanti. Ce recueil, il a été lauréat, il a gagné le Grand Prix de l'imaginaire du recueil de nouvelles étrangers en 2021. Mais ces 27 textes, c'est la toute petite face émergée de l'iceberg. Vous avez écrit plus de 200 textes, la plupart des formes courtes. Une centaine d'ailleurs est actuellement disponible sur votre site, dont on va vous mettre l'adresse sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Vous avez également écrit un roman annexe qui devait être le premier d'une trilogie, mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. On en reparlera tout à l'heure, vous nous le raconterez. Et le tout à peine 30 ans. J'ai lu que vous pouviez écrire entre 30 à 40 000 signes, c'est-à-dire plus de 20 pages par jour. Ouf. I don't really think in pages. Je compte pas en pages. And the most I've ever written in le one day plus que j'ai jamais écrit en une journée, c'est 5 ou 6 000 mots, disons. The reason why I write so quickly is that j'écris vite I don't do a lot of drafts. Parce que je ne fais pas de nombreuses versions. Généralement, le premier jet, c'est le dernier jet aussi. Il y a des gens qui écrivent plus de mots que moi par jour, mais ils relisent, ils révisent, et ainsi de suite. Moi, mon avantage, si je puis dire, c'est qu'une fois que les mots sont couchés sur le papier, ben, ils y restent. Quelle est votre routine d'écriture? Vous commencez, j'ai lu aussi, à écrire très tôt, vous vous levez tôt le matin, c'est encore le cas? Oui, quand ça va bien et que j'ai envie de travailler, je me lève vers 5h30 du matin. Mais bon, là maintenant, excusez-moi, je suis un petit peu KO là, parce que là où je suis, là aujourd'hui, je ne dors que 3 ou 4 heures par nuit. C'est pas beaucoup. Est-ce que il est vrai que vous écrivez toujours plusieurs histoires en même temps, que vous avez toujours une dizaine d'histoires commencées, des phrases, des débuts de narration à plusieurs endroits? Right now I have 9 different stories. Oui, actuellement, je suis en train de travailler sur 9 histoires différentes. Donc je passe de l'une à l'autre, mais récemment je travaille sur des commandes, je travaille sur des jeux vidéo, des trucs comme ça, donc ça me prend du temps. Donc je crains qu'à la fin de l'année, je n'aurai que 12 ou 15 nouvelles histoires à raconter. Et le reste de mon travail se retrouvera dans l'univers d'autres personnes. Quel est le point de départ pour l'une de vos histoires? Par où ça commence? Comment est-ce que vous attrapez une idée? Eh bien, dans pratiquement tous les cas, l'idée vient d'une image. Et cette image peut constituer soit le début, soit la fin d'une nouvelle. Je suis ce qu'on pourrait appeler un écrivain visuel. Quand j'écris, c'est comme si tournait dans mon esprit un petit film. Donc, je pars d'une idée comme ça. Par exemple, récemment, j'ai eu une idée qui m'est venue dans un demi-sommeil. Je vous ai dit que j'avais du mal à dormir là, à l'heure actuelle, en raison de la chaleur. Bref, l'image qui m'est venue, c'est un passager à l'arrière d'un taxi. À côté de cette personne, sur la banquette arrière, il y a un petit nuage, noir avec un éclair. Donc c'est comme un petit orage qui est en conversation avec l'autre passager. Donc ça, ça va être soit le début, soit la fin d'une de mes histoires. Vous avez écrit cette histoire déjà ou est-ce qu'elle est en cours d'écriture? Est-ce qu'elle fait partie de la dizaine d'histoires qui sont en cours d'élaboration? Oh, it hasn't even made it to that list. Ah non, elle n'est même pas sur la liste des projets. Il y a tout un processus. D'abord, je passe ça dans un grand document, une liste d'idées, et puis après, il me faut une bonne première phrase pour me lancer. Et quand j'ai cette première phrase, eh bien, je commence à dérouler l'histoire. Qu'est-ce qui vous amène justement à cette première phrase? Comment est-ce qu'on passe du concept à l'écrit? Qu'est-ce qui provoque le passage finalement à l'écrit? Yeah, I understand. It often is when I'm able to incorporate a character. Bien souvent, c'est quand j'intègre un personnage. Bien souvent, dans mes nouvelles, dans la première phrase, je présente le personnage. J'ai donc une image, puis ensuite, il faut que je trouve un personnage qui participe de cette image. Et c'est là que je peux lancer le reste de l'histoire. Vous venez de dire à l'instant, quand j'écris, je joue un film dans ma tête. Vous avez également dit à d'autres moments que vous aimeriez avoir une caméra à la place du clavier. Pourquoi est-ce que vous avez déjà essayé d'écrire des scénarios? Est-ce que vous avez pensé à réaliser justement des courts-métrages ou des vidéos pour changer de médium? Yeah, well, that's something I can speak about a little. Oui, je peux vous parler de ça. Maintenant, je me suis lancé dans l'écriture de scénarios. J'ai écrit 2-3 scénarios. Et peut-être que l'un de mes scénarios fera l'objet d'un court-métrage dans l'année à venir. Et puis, c'est intéressant parce que c'est un transfert de compétences. Ça m'a plu, ça, parce qu'en fait, il s'agit de simplifier les choses dans l'écriture. Et étant donné cette économie de langage dans l'écriture de scénario, ça donne une certaine liberté. Vous voyez, la contrainte génère de la liberté du point de vue visuel. Le visuel peut avoir plus d'impact. Du coup, ça, c'est pour écrire des scénarios, mais est-ce que vous n'êtes pas curieux, justement, d'aller jusqu'au bout et de prendre la caméra et de vous mettre à filmer ces images que vous avez en tête? Alors, cette compétence-là, je ne l'ai pas. Là, c'est peut-être un peu trop pour moi. Vous savez, moi, je fais des photos pour les matures Instagram, et ces photos, c'est une cata. Hein. Donc, être réalisateur avec une caméra, c'est non. Rich Larson, si on revient un peu aux origines de l'écriture, vous commencez pas vos premières nouvelles, vos premiers récits ne sont pas de la science-fiction. Vous expliquiez que au lycée à Grande Prairie au Canada où vous avez bien suivi vos premières études, il y avait un concours annuel de la bibliothèque avec un prix de $200 à la clé. Qu'est-ce qui vous a fait basculer à la science-fiction? Eh bien, en vérité, quand j'étais jeune, j'écrivais de la science-fiction, de l'héroïque fantasy, par exemple. J'adore ça dans ma lecture. Hein. Et puis, avec l'âge, je me suis dit qu'il fallait que mes écrits soient plus sérieux, plus littéraires. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans un genre différent. Au début, je publiais surtout de la poésie ou de la littérature sur des jeunes hommes tristes, voilà. Et puis quand j'ai commencé à m'ennuyer, particulièrement après une année passée à étudier l'écriture à l'université où je me suis beaucoup ennuyé, j'ai décidé de revenir à la science-fiction. Et en toute honnêteté, je pense que la fiction spéculative, la science-fiction, a la capacité de vous emmener n'importe où. La littérature peut vous emmener n'importe où aussi, mais évidemment, il y a des limites. Et ces limites, c'est celles de la réalité. Donc, pourquoi ne pas écrire dans le genre qui vous donne le plus possible de liberté. Quelle serait justement la première image marquante de science-fiction dont vous vous souvenez, une image qui vous est restée, qui vous a habité et qui a quelque chose à voir avec votre processus créatif? Yeah. Well, when I was quite young, I found a book. Dans ma jeunesse, j'ai trouvé un livre de Gregory Benford. I found it in Niger in some small dusty. C'était au Niger. Dans une petite bibliothèque, je me souviens très bien de la couverture. Il y avait une pyramide incandescente. Donc c'est là que j'ai pour la première fois lu de la science-fiction pour adultes. En fait, c'est de la science-fiction un peu hard, hein, parce que lui, il est physicien. Et j'ai lu ça, je devais à quoi, 9 ans? Et je dois dire que je ne comprenais pas du tout l'aspect scientifique de la chose. Et d'ailleurs, ça m'échappe encore aujourd'hui. Hein. Mais j'ai été quand même époustouflé par la grandeur, l'échelle des choses. La couverture, je l'ai encore en tête. Donc une pyramide faite de lumière, entourée d'une nébuleuse rouge, noire. Et je me souviens que j'ai trouvé ça sur l'étagère de la bibliothèque et j'avais l'impression de découvrir un trésor, surtout parce que mes parents ne voulaient pas que je lise ça, parce que c'était trop pour... c'était de la lecture pour adultes, il y avait trop de gros mots et puis du sexe. Qu'est-ce que vous retenez justement de ce roman Sailing Bright Eternity de Benford à l'intérieur? C'est le fait que ce soit un univers adulte justement qui a marqué l'enfant que vous étiez, ou est-ce qu'il y a des concepts de science-fiction, des images, des idées, des personnages qui vous ont particulièrement marqué, peut-être de l'érotisme ou quelque chose comme ça? Moi, je vous ai parlé d'échelle, la dimension, c'était impressionnant. Parce que c'est une saga galactique, donc c'est un conte générationnel qui se déroule sur des milliers d'années, je crois. Donc ce livre n'était pas le premier de la série, il était au milieu de la série. Donc immédiatement, j'ai été plongé dans cet univers particulièrement riche. Et ce que j'aime encore aujourd'hui dans ces livres, c'est la collision de la physique avec une prose remarquablement bien écrite, d'une très grande beauté. Un niveau d'écriture fantastique, des descriptions de phénomènes astronomiques de manière très imagé, très précise, très bien. C'est très très bien écrit, même si on comprend pas l'astrophysique. Aujourd'hui, Rich Larson, quand on plonge dans votre univers, il y a tout de même une forme de cohérence dans tous les récits que vous produisez. Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment de fil rouge, mais en tout cas, il y a un univers consistant. On peut parler de cyberpunk, on peut parler de biopunk. Comment est-ce que vous avez construit cet univers? Avec quels apports, avec quels ajouts, avec quel imaginaire? Comment est-ce que vous l'avez structuré, ce monde-là qui est vraiment tout de suite à vous et qu'on retrouve d'ailleurs, quelle que soit la nouvelle dans laquelle on plonge? Well, I think that maybe the French audience has a false sense of consistency. Les lecteurs français doivent avoir une fausse impression de régularité de fil rouge, parce que lorsque les nouvelles ont été sélectionnées pour le recueil, eh bien, une série de nouvelles a été choisie. Et évidemment, c'est cette sélection qui fait qu'il y a des thèmes récurrents. Mais d'une façon générale, si l'on regarde l'ensemble du corpus, kind of start fresh. Moi, j'aime bien partir d'une page blanche avec un nouvel univers à chaque fois. Et puis, évidemment, il y a des transferts, il y a des passerelles. Parfois, c'est même pas délibéré, d'ailleurs. Parfois, c'est un concept ou alors telle ou telle phrase ou image, telle ou telle phraséologie qui me frustre et que je veux reprendre. Donc, on retrouve parfois certaines technologies fictives ou alors des noms de marques non existantes, bien entendu, qui sont récurrentes. Mais c'est pas quelque chose que je structure intentionnellement. La joie de la fiction courte, c'est la capacité qu'il y a à partir d'une page blanche à chaque fois et de se plonger dans un nouvel univers sans avoir à se raccrocher à ce qu'on a écrit précédemment. Vous n'avez jamais été tenté justement de tirer une ligne, de récupérer un personnage, de construire petite touche par petite touche une forme d'univers cohérent qui serait une sorte de bac à sable dans lequel vous pourriez continuer justement à construire et à établir touche par touche vos histoires quand on pense effectivement dans La Fabrique des Lendemains à certains personnages récurrents comme vous le disiez, celui de Finch qui réapparaît, Girasol également. Vous avez jamais eu cette tentation de l'univers étendu en quelque sorte? When the temptation is there, it's usually based on character. Il y a la tentation, et effectivement, il y a des personnages, comme vous l'avez dit. C'est pas tellement la fascination pour tel ou tel univers qui me fait avancer. De temps en temps, au contraire, il y a un personnage que je juge suffisamment intéressant pour être présent dans une ou deux nouvelles. Et puis sinon, j'écris de la fantasy, de l'heroic fantasy. Donc là, j'écris dans l'univers des personnages. Donc il y a des personnages qui vous portent d'une histoire à l'autre. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Rich Larson, donc, vous l'avez dit, vous avez grandi au Niger, vous avez ensuite émigré au Canada. Depuis, vous avez un peu la bougeotte, vous changez sans cesse de pays d'accueil. Vous êtes au Mexique, mais vous étiez en Europe il n'y a pas longtemps. Vous allez certainement retourner au Canada. Ce nomadisme, il est lié à votre écriture. Comment est-ce que vous inspirez de chaque pays? Est-ce que il y a une continuité entre l'endroit où vous êtes et ce que vous écrivez? The different places that I go, they all sort of become... Oui. Mes destinations sont une source d'inspiration. Et puis là où je suis, donc j'écris, mais il y a aussi le souvenir. Je rencontre des gens, j'ai des expériences, et je me sers de tout ça, c'est une espèce de symbiose. Le voyage m'aide à écrire, et l'écriture m'aide à voyager. Je crois que ça m'est venu quand j'étais jeune. Comme vous l'avez dit, j'ai grandi au Niger, mais ma famille a beaucoup déménagé. On a beaucoup voyagé entre le Niger, le Canada, les États-Unis. Et aujourd'hui, je pense que si je m'établissais à un endroit pendant 2 ou 3 ans, eh bien, j'ai la bougeotte. Il faut que je parte. Il faut que j'aille ailleurs. Au cours des 6 derniers mois, ça a été assez intéressant parce que je suis revenu à Grande Prairie au Canada pour passer du temps auprès de ma grand-mère, dont je suis assez proche. Donc, j'ai passé 6 mois avec elle, et Grande Prairie, c'est là que je suis allé au lycée. J'ai rendu visite à ma grand-mère un jour sur deux quand j'y étais, et j'ai beaucoup, beaucoup écrit. J'ai écrit, je crois, 30 nouvelles, parce que j'avais rien d'autre à faire à Grande Prairie. Et je dois dire que ce séjour était le plus long des séjours que j'avais passé à Grande Prairie depuis l'âge de 17 ans. Et là, j'ai pris conscience de ma bougeotte. Et je me demande si ça va m'ennuyer, cette bougeotte. Et je me demande bien quelle sera ma destination finale. Donc aujourd'hui, la permanence, le fait de m'établir, ça m'intéresse. Donc bientôt, là, je vais aller à Montréal pour voir si Montréal, ça pourrait être une destination plus permanente. Je reviens sur le lien justement entre ces voyages et votre écriture. Par exemple, l'Andalousie, c'est aussi une façon de ressourcer votre imaginaire, de le renouveler, de changer de cadre et d'être finalement dans une position non pas d'inconfort, mais en tout cas de pas s'installer trop et de pas ronronner pour pouvoir se mettre à nouveau un peu en danger et retrouver le désir ou le besoin d'écrire. Yeah, absolutely. Oui, absolument. I'm sorry, I'm not being a great interviewer. Je voudrais vous présenter mes excuses. Hein. J'ai un ton très monocorde parce qu'encore une fois, je suis un peu KO. Hein. Je ne dors que quelques heures par nuit depuis quelque temps parce que là où je suis, il y a des vitraux, mais il n'y a pas de rideaux, il n'y a pas de volets. Donc pendant la journée, la chaleur entre dans la pièce où je suis, c'est terrible. Et le soir, je suis dans un four. Donc c'est un four, j'ai l'impression de cuire là-dedans, moi. Donc quand je vais me coucher, je dors quoi, 3-4 heures maximum. Et d'ailleurs, ça me rappelle l'entropie. Cette notion de l'entropie, il y a des petites poches d'organisation et d'ordre dans l'univers, et c'est comme si ça devrait ralentir l'entropie, mais en réalité, c'est une accélération. Et l'énergie est transféré plus rapidement et on est dans un réchauffement de l'univers. Et cette pièce où je me trouve, qui normalement est une pièce pour dormir, constitue en fait un moteur parfait pour l'insomnie. Donc c'est pourquoi mon ton est monocorde et encore une fois, je vous présente mes excuses. À quel moment est-ce que vous vous dites « c'est ça que je vais faire de ma vie » C'est-à-dire que je vais écrire. Vous avez reçu, vous avez été finaliste du Amazon Breakthrough Novel Awards. Quand est-ce que, à un moment donné, le déclic se fait et vous vous dites, finalement, c'est ça, je vais faire ça, je vais pas aller plus loin, je vais pas chercher un autre boulot, je vais passer ma vie à écrire. Le déclic m'est venu quand j'ai signé le contrat pour l'écriture du roman Annex. Avant ça, je pensais que j'allais écrire comme ça, comme passe-temps. J'étudiais la traduction, je pensais devenir traducteur. Et puis, quand on m'a proposé ce contrat, eh bien, j'ai pu me consacrer à la fiction. Et c'est ce à quoi je m'emploie à plein temps depuis 7 ans, je dirais, oui. Oui, ça commence à remonter. Hein. Vous réalisez que vous avez commencé très jeune et que peu d'auteurs ont la chance de pouvoir se lancer et se dire « je vais ne faire qu'écrire à l'âge de 23 ans ». Oui, en fait, j'écrivais quand j'étais jeune, mais je me suis jamais considéré comme un écrivain. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je me considère pas vraiment comme un écrivain. J'écris, voilà. C'est un processus naturel chez moi. Et le fait de pouvoir vendre ce que j'écris, ben ça ne cesse de m'émerveiller. Et c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir faire ça. À quel moment vous vous dites, tiens, ce que je suis en train de faire, ça marche, il y a un public, les gens sont séduits, il y a quelque chose, il y a une alchimie qui se passe entre ce que j'écris et la façon dont les gens le lisent et le reçoivent. Yeah, well in this way, you know, I'm very boring because en réalité, ce que les gens aiment bien, c'est le challenger. Et en fait, quand j'écrivais jeune, on disait « Ah oui, c'est bien, mais c'est formidable parce que vous êtes si jeune. » Donc, je n'ai pas cette expérience de critique sincères qui ne tiennent pas compte de mon âge. Il y a toujours ce bémol de l'âge. Bon, ça fait de moi quelqu'un d'un peu ennuyeux de ce point de vue-là. Vous écrivez également sur l'inspiration que il y a 3/3 dans votre travail. 1/3 vient de vos expériences personnelles. 1/3 de jeux vidéo, de cinéma, de livres. Et le dernier tiers vous vient de vos rêves ou de la drogue. Est-ce que vous pouvez commenter ces 3/3 d'inspiration? I really do believe that ideas can come from anywhere. Ah ben, les idées peuvent venir de n'importe où. Et ce document où je fais une liste des idées que j'ai, c'est un document monstrueux qui ne cesse d'enfler. C'est vrai qu'il me vient des idées que je puisse dans ma vie personnelle et mon expérience, de mes voyages, et j'ai des idées qui me viennent de ce que je vois. Je regarde le travail d'autres créateurs, d'autres artistes, et ce sont des choses que je garde dans mon esprit. Et je me dis, ça, cette idée, elle est vachement bien, mais il faudrait l'améliorer. Et là, j'ai une idée pour l'améliorer. Et puis sinon, j'ai de bonnes idées qui me viennent de mon inconscient. Je ne suis pas un véritable toxicomane. Hein. Je ne suis pas un gros consommateur, mais de temps en temps, quand je fume de l'herbe ou quand je prends du LSD, là, je peux avoir des images fascinantes. C'est un petit peu de la triche, d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression de gruger, en fait. C'est comme si je disais à mon cerveau de faire un remix. Et on se retrouve avec des images très claires. Et comme vous le savez, c'est comme ça que j'aime bien démarrer mon écriture, par l'image. Et la maladie, ça fonctionne bien. Hein. C'est même pas la peine de se droguer. Si vous avez de la fièvre en raison d'une maladie, eh bien... D'ailleurs, je parle d'expérience. Là, j'ai été malade et puis là, j'ai fait des rêves absolument incroyables. Et il y a pas mal de ces rêves qui sont devenus des nouvelles. Si on prend un exemple concret, par exemple, un exemple simple, dans La Fabrique des Lendemains, le premier récit s'appelle Indolore. On suit ce personnage qui ne souffre pas et qui peut même à un moment donné se couper un bout de pouce pour le donner à manger à des chiens. Parlez-nous de cette nouvelle en particulier. Qu'est-ce qui vient? Comment elle se construit? D'où vient l'idée et comment vous la développez sur Indolore? Oh, Painless. Yes. Yeah. That story was inspired by a trip. L'inspiration de cette nouvelle, c'est un voyage que j'ai fait avec mon père. Nous sommes allés au Niger. J'avais quoi? Oh, c'était en 2017, voilà. Et lui, il est prof de langue. Il enseigne le Hausa, une des langues tribales les plus importantes au Niger. Donc il enseigne cette langue aux immigrés qui doivent comprendre cette langue. Lui, il parle cette langue couramment parce qu'il a travaillé au Niger et au Nigeria pendant de nombreuses années et il est très doué en langue en plus. Donc, il se rend au Niger régulièrement. Il a des contrats pour enseigner et il m'a proposé de venir avec lui. C'était la première fois que je retournais au Niger depuis mon enfance. Donc c'était assez surréaliste hein, pour moi. Tout semblait beaucoup plus petit que dans mon imaginaire. Je me souviens d'arbres où je jouais à cache-cache et je pensais que c'était une forêt. En fait, c'était quoi? 8 arbres. Et lors de mon séjour là-bas, j'ai pu renouer avec les sensations tactiles, les odeurs, les images que j'avais gardées en mémoire depuis mon enfance. Et en même temps, je faisais un peu de traduction pour l'hôpital. Et j'ai utilisé les ruines de l'hôpital comme décor pour cette nouvelle Indolore sur laquelle vous m'interrogez. Et j'avais tant de carburant, appelons ça du carburant. J'avais tant de carburant que je savais qu'il fallait que j'écrive quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Painless came about. Et c'était ça la genèse. C'est ça la genèse de Indolore. Il est un super soldat, et ça, c'est un élément que l'on retrouve souvent dans la science-fiction. Et moi, je voulais montrer que le fait de ne pas ressentir la douleur, ça permettrait de... À tel point que l'on peut manger des quantités incroyables de nourriture. Et puis, moi, ça me fascine, ça. On se dit d'où ça vient, tout ça. Donc, moi, je voulais que le personnage se gave avant de passer à une autre action. Il y a également quelque chose d'assez touchant et d'assez intéressant dans le rapport que vous avez avec vos personnages. Il y a pas mal de personnages fluides. Je pense par exemple à Finch, qui est une espèce de néandertal reconstitué, qui vit une histoire d'amour avec un autre homme. Je pense également à Violette, l'héroïne de votre roman annexe, qui est en parcours de transition. C'est un élément important dans vos narrations, d'avoir ces personnages qui ne soient pas tous calqués sur le même modèle du héros de science-fiction classique, masculin, blanc, héroïque, etc. J'essaye de refléter ce qu'il y a dans le monde. Il y a tant de diversité parmi les êtres humains. Et moi, il m'apparaît que les motivations des êtres humains, quels qu'ils soient, restent similaires. Et si l'on fait attention aux gens autour de soi, et si on se lie à divers endroits avec des gens, to inhabit the perspectives of people who are quite je crois qu'on n'a pas le choix. On est forcé d'intégrer le point de vue des autres. Et puis, évidemment, il faut accepter la critique, il faut être prêt à se tromper. Mais quand on écrit à partir d'autres points de vue, à partir d'autres personnages différents de soi-même ou des personnages de science-fiction habituels, ça exige beaucoup d'attention, il faut être rigoureux, il faut être sensible à la pensée des autres, il faut être sensible à ce qui préoccupe les autres, et à ce moment-là, on peut ne pas se tromper et écrire bien. Parlez-moi un peu justement d'annexe, c'est à l'heure actuelle votre seul roman, c'est le seul roman que vous ayez écrit, ou est-ce qu'il y a d'autres romans derrière que vous n'avez pas souhaité publier parce que vous les trouviez pas intéressants ou parce que vous n'arriviez pas à aller au bout? J'ai écrit, disons, 5 romans. Le premier que j'ai écrit, je l'ai écrit quand j'étais encore à l'école, j'étais tout jeune. C'était en fait une parodie un peu malhonnête de Neuromancien, ce roman considéré comme le fondateur du mouvement cyberpunk, vous savez, de William Gibson. C'est un livre iconique, un livre que je n'avais pas lu, moi, d'ailleurs. Donc, c'est comme quand le mercure arrive dans la chaîne alimentaire. Et en fait, j'avais absorbé suffisamment de neuromanciens sans le lire que j'ai pu écrire à partir de ce roman. Mais c'est ce roman-là qui a gagné le Amazon Breakthrough Novel Award que vous avez cité. Et après ça, je me suis dit, oh, le roman, c'est facile, tiens, je vais écrire des romans. Donc, j'ai essayé d'en écrire 2 autres. Science fiction retelling of the Tower of Babel. La tour de Babel, avec un angle science-fiction. J'ai essayé ça. Puis, une heroic fantasy qui était pas mal. Ça s'est pas vraiment bien vendu. Et puis, ensuite, je suis passé à Annex. Et Annex, c'est le premier qui s'est vraiment vendu. Et en fait, moi, je ne voulais vendre qu'un seul roman. Parce que pour moi, l'écriture d'un roman, c'était nécessaire pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Mais mon terrain de jeu, c'est la fiction courte. Je préfère écrire des nouvelles. Donc le roman, c'était simplement un défi. Je me suis dit, oui, je veux écrire un roman où je puisse mettre mon nom. Puis ensuite, on m'a proposé un contrat pour écrire 3 livres. Financièrement, c'était intéressant et je me suis rendu compte que je pouvais écrire à plein temps pour gagner ma vie. Et je me suis dit, oui, je peux en écrire encore 2 romans sans problème. Mais en réalité, je me rendais pas compte que ça me prendrait tant de temps. Donc, ça fait 5 ans, hein. Et donc, l'obligation d'écrire un roman, c'est un petit peu comme un petit ange qui me dit qu'il faut que je m'y mette. Hein. Donc, aujourd'hui, le contrat a été modifié et il y a 2 romans dans le contrat. Et le deuxième, c'est Emia. Il va sortir aux États-Unis et je dois dire que le fait de l'avoir écrit, c'est un grand soulagement. Ça veut dire que le deuxième tome, Cypher, vous ne l'avez pas terminé, ça ne voulait pas venir, vous êtes fâché, vous avez même dit « j'ai oublié comment écrire un roman ». Yeah, that's how it felt. Mais oui, c'est la sensation que j'ai eue. Cypher, you know, there are people who really did want c'est un livre. And every so often, maybe every couple months, someone will email me to say like what's going on. Qui a plu à pas mal de gens. Il y a des gens. Enfin, l'idée a plu. Il y a des gens qui me disent alors Cypher, ça vient, ça sort. Je reçois des emails. Mais Emia, certains prétendent que c'est une suite de Annex, mais c'est pas le cas. Hein. Et moi, je suis content que Cypher ne sorte pas parce que je crois pas que Cypher ça aurait pas été bien à la suite du premier. Le premier livre n'est pas mauvais. Hein. C'est un livre qui a un certain mérite. Hein. Il ne s'est pas super bien vendu, mais il y a plein de livres qui ne se vendent pas super bien. Et puis on verra bien pour le deuxième, là, Emia. À propos d'annexe qui n'a pas été traduit encore en français, mais je suppose qu'il devrait l'être, ou en tout cas je l'espère, vous suivez donc Violette, qui est une jeune femme en transition. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de d'annexe et de la raison pour laquelle ce roman-là est cher pour vous et a marché plus que les autres de la façon dont vous le comprenez? Yeah, the reason why I like Annex. Personnellement, j'aime bien Annex parce que ce livre, je le consacre à mon enfance. Il rassemble tous les livres que j'aimais quand j'étais enfant. Donc, il comporte des éléments des livres de Neil Gaiman. Il y a K.A. Applegate là-dedans. Il y a Garth Nix aussi là-dedans. Cornelia Funke. Tous ces auteurs que j'aimais tant quand j'étais enfant, eh bien, j'en ai fait une sorte de cocktail, puis j'ai écrit un livre que moi, j'aurais adoré lire quand j'avais 10 ans. Yeah. And so for what it is, I'm very, very happy with it. Donc, moi, je suis tout à fait satisfait de ce livre. Évidemment, les deux personnages principaux, je les aime beaucoup. Violette, à l'origine, elle devait être l'héroïne d'une nouvelle. Mais c'était un scénario très intéressant pour moi que d'avoir un personnage en transition pendant une apocalypse. Vous voyez, cette combinaison intéressante de la libération face aux contraintes de la société et tout ça en même temps des limitations, des restrictions, les gens qui vont piller les pharmacies pour aller chercher des médicaments en plein apocalypse. Puis il y a le personnage de Bo, qui est nigérien, bien sûr. Donc là, pour moi, je fais référence à ma propre enfance et j'intègre ça dans le roman aussi. Vous dites que Annex a été vendu de manière bizarre, que les éditeurs savaient pas très bien comment vendre ou quoi dire à propos de ce livre, que c'était finalement un livre pour enfants mais commercialisé pour les adultes, un livre avec un personnage trans qui était vendu comme une fiction LGBTQI+, mais qui ne l'était pas vraiment. Ça veut dire que c'est un livre insaisissable. Comment vous le définiriez vous-même? To me, when I was writing it, and I still think of it as a YA book. À mes yeux, c'est un livre pour les jeunes adultes. L'éditeur n'avait pas de collection pour jeunes adultes. Mais il y a quand même un chevauchement suffisant entre la littérature pour jeunes adultes et la littérature pour adultes qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient le vendre. À vrai dire, maintenant, je me préoccupe plus de ça. Si les gens tombe sur Annex, j'espère que ça leur plaira. C'est pas un livre parfait, mais bon, c'est un livre qui est pas mal. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, Rich Larson, dans le passage de la forme courte à la forme longue? Pourquoi est-ce que c'est plus dur d'écrire un roman que des nouvelles? C'est une histoire de planification. Je suis nul en planification. Quand on écrit une nouvelle, on peut aller dans une certaine direction, puis si ça marche pas, si on se retrouve dans une impasse, c'est pas grave. Alors que dans un roman, quand on écrit un roman, eh ben, on avance, et puis on peut continuer à écrire avant d'arriver à quelque chose d'intéressant, à un aboutissement. Il y a des gens qui sont très forts pour faire des plans, pour tout prévoir, ils savent décomposer les scènes les unes après les autres, mais pour moi, c'est la phrase qui compte. Une phrase va influencer la phrase suivante. Quand j'écris, par hasard ou de manière inconsciente, je plante des petites graines, graines que j'utiliserai ultérieurement dans mon écriture. Et quand on écrit de la fiction courte, des nouvelles, on sait qu'on va avoir un impact fort. C'est pas le cas pour le roman pour Emia. La première version était radicalement différente de la version actuelle parce que je suis parti dans une direction complètement différente, donc je me suis retrouvé obligé à retirer des passages entiers, et ça c'est un peu décourageant, je dois dire. Du côté des adaptations, je crois que vous avez vendu les droits d'une nouvelle, Atrophy, à Warner Bros. Vous pouvez nous en dire un mot? Cette nouvelle, elle n'est pas publiée en français. De quoi ça parle? Et est-ce que c'est toujours en cours d'adaptation? Vous avez eu des nouvelles de ce projet? Atrophy. Je suis pas 100% certain, mais je crois que Atrophy a été publié en français récemment d'ailleurs. Je crois que c'est sorti dans Rêves de drones et autres entropies. C'est une collection qui vient de sortir à Montréal. Il y a quelques similitudes, quelques chevauchements avec La Fabrique des Lendemains, mais il y a des nouvelles exclusives, dont Atrophy d'ailleurs. S'agissant de l'adaptation maintenant, eh bien, je crois que ça a été renouvelé une fois, mais bon, mais après ça s'est arrêté là. C'était une option. Ils prennent une option. Et puis après, il laisse tomber. Moi, ça m'est un peu égal parce qu'on me paye pour l'option. Très bien. Et puis, j'ai eu d'autres options. C'est chouette parce que ça me fait des revenus. Mais j'arrondis les fins de mois en écrivant des nouvelles, en écrivant pour d'autres aussi. Puis après, il y a de moins en moins d'argent sur mon compte en banque. Puis après, on me propose un contrat. Je dois dire que c'est un petit peu précaire, hein. Mais bon, pour l'instant, ça marche pas mal. Vous n'avez jamais eu l'envie vous-même d'adapter l'un de vos récits? Il y a une nouvelle Ice qui a été adaptée dans la série Love, Death and Robots sur Netflix. Vous avez jamais été tenté, vous, de passer justement une nouvelle fois à l'adaptation et d'essayer de mettre concrètement de véritables images, que ce soit du live action ou que ce soit de l'animation, sur vos récits? I have not taken that much initiative. Non, je n'ai pas pris beaucoup d'initiatives en ce sens. Je suis en train de participer à la co-scénarisation d'une histoire qui s'appelle Ghost Girl. Ça se passe en Afrique. Mais je ne joue pas de rôle très important dans l'industrie cinématographique. J'ai un carnet d'adresses très mince. Hein. Vous connaissez du monde, hein, Nicolas. Donnez-moi des contacts. Venez à Paris, on vous trouvera un producteur et on essaiera de voir. S'il y avait dans tous vos textes un que vous aimeriez voir adapté plus que les autres, vraiment un des textes où vous avez quasiment les images, les scènes, les plans, les mouvements de caméra, où vous vous dites, ça, je saurais exactement comment le traduire en image. Ce serait lequel? Circuit, ce serait un chouette film, hein, particulièrement en animation, un film d'animation. Parce qu'il y a des images très frappantes, hein. Des paysages, la solitude. Je crois que ce serait très chouette, hein. Un train qui circule en rond. C'est la deuxième nouvelle de La Fabrique des Lendemains, qui raconte comment un train part presque tout seul dans un monde complètement dévasté avec un robot à l'intérieur qui a l'air de s'occuper des derniers occupants de ce train. Yeah, the train full of corpses moving oui, through the desert. Un train plein de cadavres qui circule dans le désert. Et pourquoi celui-là particulièrement? Pourquoi cette nouvelle-là? Oh, I just think it could be very beautiful. Ça peut être très beau, à mon avis. Un film d'animation, hein, ça peut être très chouette. Et puis c'est suffisamment court, disons un court-métrage d'animation de 10 ou 15 minutes, voilà. Ça serait une sorte de Snowpiercer, mais sans la neige. Snowpiercer with sand. Yeah. Sandpiercer. You know, I actually wrote that before seeing Snowpiercer. Oui, je l'ai écrit avant la sortie de Snowpiercer. I don't give Snowpiercer credit for it. Non, j'ai rien plagié sur Snowpiercer. Snowpiercer qui est à l'origine une bande dessinée française, le transpersonnage, qui a été adapté à partir de cette bande dessinée, qui est d'une excellente bande dessinée par ailleurs. Rich Larson, on arrive vers la fin de cet entretien, je vais vous libérer dans pas très longtemps. Vous dites récemment, j'ai 22 nouvelles à écrire, je n'ai que les premières lignes. Ça veut dire que c'est ce stade où vous avez l'idée en tête, vous avez réussi à écrire la première phrase, mais ensuite vous pouvez laisser ces nouvelles dans un coin avec juste une phrase écrite, juste deux phrases écrites, et attendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'écrire la suite. Oui, en fait, pour certaines nouvelles, la période d'incubation peut durer quelques années. Le record de temps entre la première phrase écrite et la dernière phrase, c'est une nouvelle intitulée « La Brute » qui figure dans La Fabrique des Lendemains, oui. Je crois qu'il s'est passé 3 ans entre l'écriture de la première scène et l'écriture de la dernière scène. Encore une fois, je n'étais pas là à me tourner les pouces entre-temps. C'est la vie naturelle de cette nouvelle. Ça s'est passé comme ça. Quel est votre rapport avec vos personnages? Parce que des personnages, il y en a vraiment beaucoup. À quel moment, justement, vous décidez de réutiliser Finch, de réutiliser Girasol, est-ce que vous vous attachez à ces personnages? Est-ce que vous regrettez pas, pour certains, de les exploiter comme ça quelques pages et de ne pas les retrouver après? Il vous manque pas ces personnages à certains moments? It's very rare for me to get attached. C'est rare que je m'attache aux personnages. Parfois, les personnages sont intéressants, et ce qui les rend intéressants, à mon avis, c'est le contraste des choses inattendues et comment ça a un impact sur le personnage. Certains auteurs ont tendance à personnifier leurs personnages, comme si leurs personnages étaient de véritables êtres humains, et ils peuvent s'éloigner d'eux, faire des trucs incroyables. Moi, ça me rend un peu dingue, ça. Parce que les personnages, c'est quoi? C'est des mots sur une page. Ils n'ont pas d'existence véritable, les personnages. Et je crois que toute la profondeur que l'on attribue aux personnages, c'est pas aussi important que la qualité de l'écriture. Les gens qui sont très attachés aux personnages ont une espèce d'empathie. C'est chouette, hein, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais quand on écrit de la fiction, on écrit pour des lecteurs incroyablement empathiques, des lectrices et des lecteurs qui savent voir les choses de différents points de vue et qui s'immergent dans les personnages que l'on présente. Alors que dans les nouvelles, il ne faut que quelques traits de personnalité intéressants, quelques pensées saillantes par-ci, par-là, pour que le lecteur fasse travailler son imagination pour faire de ce personnage un véritable être humain. C'est très juste, mais par exemple, à titre personnel, j'ai envie de revoir Finch, j'ai envie de le retrouver dans d'autres aventures. J'adore l'idée de ce couple Finch-Néandertal ressuscité par un laboratoire et son copain Blake qui font des cases. Ça veut dire que ces personnages-là, je ne les reverrai plus jamais? Ah, c'est bien possible, hein, parce que un personnage est intéressant dans sa relation avec un autre personnage. Donc, des duos de personnages ont plus de chances de réapparaître que des personnages seuls. Et Finch et Blake, oui, c'est peut-être bien de les faire revenir. Mais je veux pas que ce soit un principe pour les faire revenir dans une nouvelle de cap et d'épée. Parce que le rapport entre Finch et Blake est très chouette, très rigolo. C'est intéressant. Et ça vous permet de dérouler le récit, de tirer le fil du récit. So maybe. Donc pourquoi peut-être, pas. Allez, peut-être. Pour conclure, Rich Larson, du coup, maintenant, donc le Mexique pendant encore quelques semaines, puis direction Montréal. Quels sont les prochains projets d'écriture qui doivent aboutir? Quand est-ce qu'on va vous relire? Est-ce que vous savez si d'autres recueils sont en cours, notamment de traduction en France? C'est quoi la suite de votre œuvre? Right. Well. The collection that just came out, et bien, le recueil qui vient de sortir, which is a French-Canadian collection. C'est un recueil québécois. I have this novel, Emir, coming out. Puis il y a le roman Émir qui va sortir au mois de juillet. English, donc là, je vous parle de la version anglaise, mais je pense bien qu'il y a un projet de traduction en français. Relatively short et ce time frame. Assez rapidement. Et puis, je crois qu'il est question d'un autre recueil de nouvelles à un moment donné. Voilà. Et puis sinon, j'ai un autre recueil de nouvelles en anglais. Ça fait partie des projets avec le même éditeur que celui qui a publié Tomorrow Factory. Donc, vous voyez, il y a pas mal de projets, il y a plein de choses à faire. Comment ça fait, pour conclure, vous qui êtes donc francophone en partie, en tout cas vous comprenez vraiment bien le français, vous avez relu justement vos nouvelles traduites, quel effet ça fait de vous lire dans une autre langue que vous comprenez? It's interesting. Ah, c'est intéressant. Like I was reading a story j'ai from lu une nouvelle en anglais, puis dans La Fabrique des Lendemains en français. Francophone friends, et j'ai des amis francophones qui vivent cette expérience bilingue plus intensément. Ils peuvent tout de suite percevoir une différence interculturelle. Mais moi, j'ai un amour pour la langue française et je comprends la signification, mais je n'ai pas le goût complet de la langue. Alors qu'en anglais, j'ai le goût complet de la langue et j'apprécie chaque mot est nimbé d'une sémantique. On connaît l'étymologie, la relation qu'a ce mot à d'autres mots. Il y a aussi l'aspect sonore, l'euphonie, l'homophonie. L'homophonie qui sied à l'oreille. Donc, l'expérience de lecture en anglais est tellement plus intense. C'est ma langue maternelle. Quand je lis en français, c'est difficile pour moi d'apprécier la qualité de la beauté d'une phrase. C'est dommage, hein? Ça veut dire qu'en fait, je devrais lire davantage en français. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Rich Larson, en espérant peut-être vous voir un jour bientôt en France à l'occasion d'un festival, peut-être les Utopiales, peut-être un autre. En tout cas, on a hâte de lire la suite. Merci, mille merci à vous de nous avoir accordé cette heure d'entretien. Je ne saurais recommander assez vivement à nos auditrices et à nos auditeurs de se procurer La Fabrique des Lendemains, votre recueil de nouvelles et un poème. C'est aux éditions du Bélial dans la collection 42. C'est extrêmement agréable et plaisant à lire. Et encore une fois, on a vraiment hâte de lire la suite. Et pour nos auditrices et nos auditeurs qui lisent l'anglais, on peut également trouver presque une centaine de textes inédits en anglais sur votre site richwlarson.tumblr.com. On vous met bien sur tout ça sur notre fil Twitter. Merci beaucoup Rich Larson d'avoir été avec nous. C'était super de pouvoir discuter avec vous. Yeah, thank you so much for having me, Nicholas. I appreciate it. Mille merci Rich Larson de nous avoir accordé cette heure d'entretien. La Fabrique des Lendemains, un recueil que je vous conseille, comme vous l'aurez compris, très chaleureusement, c'est aux éditions du Bélial. Et on peut trouver également plein de textes inédits en anglais sur votre site richwlarson.tumblr.com. Voilà la méthode scientifique, c'est fini. C'est Céline Lozen, Natacha Triou, Nominia Guette-Saint-Vulfran, Eve Etienne, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique, Jacques Azubert. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est un podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr, et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.